Chapitre 37e. Monsieur Crawford partit, le premier objet de Sir Thomas fut d'observer s'il était regretté. Il s'attendait à ce que sa nièce s'apercevrait de son absence. Il l'examinait avec soin, mais il ne pouvait se flatter d'avoir découvert quelque chose à cet égard. Il n'apercevait pas le moindre changement dans la personne de Fanny. Elle était toujours si douce, si calme, que ses sentiments ne pouvaient être saisis par lui. Il ne la comprenait pas, et en conséquence il s'adressa à Edmund pour lui demander comment Fanny se trouvait en ce moment, et si elle était plus ou moins heureuse qu'elle ne l'avait été. Edmund ne découvrait non plus aucun symptôme de regret, et il crut que son père avait un peu tort de penser que les 3 ou 4 premiers jours, Fanny s'apercevrait de l'absence de Crawford. Mais ce qui le surprenait, c'était que la sœur de Crawford, l'amie, la compagne de Fanny, fût si peu regrettée par elle. Il s'étonnait de ce qu'elle en parlât si rarement et parlât si peu de son éloignement. Hélas, c'était précisément cette sœur, cette amie, cette compagne, qui était la principale ennemie du repos de Fanny. Si elle avait pu penser que le sort de Marie était aussi peu lié avec la famille de Sir Thomas, qu'elle espérait que le sien propre le serait avec M. Crawford, son cœur aurait été tranquille. Mais plus elle se rappelait le passé et faisait des remarques, et plus elle était pleinement convaincue que le mariage de Miss Crawford avec Edmund était plus probable que jamais. L'inclination d'Edmund avait augmenté, et celle de Miss Crawford n'était point douteuse. Edmund devait aller à Londres aussitôt qu'il aurait achevé quelques affaires relatives à Thornton Lacey. Peut-être partirait-il dans une quinzaine. Il aimait à parler de ce voyage, et une fois qu'il se retrouverait avec Miss Crawford, Fanny ne doutait plus de l'issue qu'aurait cette inclination mutuelle. Edmund serait accepté dès qu'il proposerait sa main à Miss Crawford. Et cependant, il restait encore à celle-ci des sentiments qui faisaient mal augurer de cette union à Fanny, indépendamment de ce que ses propres sentiments lui faisaient éprouver à ce sujet. Dans leur dernière conversation, Miss Crawford, malgré quelques aimables sensations, avait encore été Miss Crawford et, sans y penser, avait montré la même légèreté, la même inconséquence. Fanny ne croyait pas qu'il y eut le moindre rapport entre elle et Edmund. Il pensait qu'il fallait désespérer de voir Miss Crawford se conduire avec bon sens, puisque l'influence d'Edmund dans cette première époque de leur attachement avait si peu de pouvoir sur elle pour éclairer son jugement. D'après cette persuasion, elle ne pouvait parler sans peine de Miss Crawford. Sir Thomas, cependant, s'en rapporta à ses propres espérances et à ses propres observations pour découvrir bientôt l'effet de l'absence de M. Crawford sur l'esprit de sa nièce. Une nouvelle visite qui survint lui parut devoir faire une diversion dans les sentiments de Fanny, qui expliquait l'indifférence qu'elle paraissait éprouver. William avait obtenu un congé de 10 jours pour les faire passer dans le comté de Northampton. Il venait le plus heureux des lieutenants, parce qu'il en était le plus récemment nommé, pour peindre son bonheur et son habit d'uniforme. Il arriva, et il aurait été charmé de pouvoir montrer cet uniforme si la coutume cruelle n'avait prescrit de ne point le porter hors de service. L'abbaye était donc restée à Portsmouth, et Edmund conjecturait qu'avant que Fanny eût occasion de le voir, il serait usé. Mais Sir Thomas fit part à son fils d'un projet qui mettait Fanny à même de voir le second lieutenant de la goélette de Sa Majesté britannique, la Grive, dans toute sa gloire. Ce projet était de laisser Fanny accompagner son frère jusqu'à Portsmouth et passer quelque temps dans sa famille. Ce plan s'était présenté à Sir Thomas dans un de ses moments de grave rêverie, mais avant de l'arrêter, il consulta son fils. Edmund n'y trouva rien qui ne fût juste, et il ne douta point qu'il ne fût agréable à Fanny. C'en fut assez pour déterminer Sir Thomas, et les mots « ce sera donc » prononcés avec décision terminèrent l'affaire. Son but en cela n'était point de procurer à Fanny le plaisir de revoir ses parents, ni d'augmenter son bonheur. Il désirait bien qu'elle fît ce voyage avec plaisir, mais il désirait encore plus vivement qu'elle fût impatiente de revenir à Mansfield avant que le temps fixé pour son absence fût expiré, et qu'une petite abstinence de l'élégance et du luxe du parc de Mansfield, en la rendant plus sage, lui fit mieux apprécier la fortune qui lui était offerte. La maison de son père devait faire sentir à Fanny le prix d'un grand revenu, et Sir Thomas pensait qu'elle serait toute sa vie la plus sage et la plus heureuse des femmes, par l'effet de la comparaison qu'il avait projeté de la mettre à même de faire. Si Fanny eût été d'un caractère à se livrer au ravissement, elle l'aurait vivement témoigné lorsque son oncle lui proposa d'aller rendre visite à ses parents, ses frères et ses sœurs, dont elle avait été séparée presque toute sa vie, et d'aller passer une couple de mois dans les lieux où s'était écoulée son enfance, en ayant William pour compagnon de voyage, et pouvant le voir jusqu'au dernier moment de son séjour à terre. Fanny fut vivement satisfaite, mais son bonheur était d'une nature calme, profonde, intime. Parlant ordinairement peu, elle était encore plus portée à garder le silence quand elle était vivement touchée. Dans le moment où son oncle lui fit cette proposition, elle ne put que le remercier et accepter. Mais ensuite, lorsqu'elle se fut familiarisée avec l'image des plaisirs qui s'étaient présentés soudainement à elle, elle put parler plus à l'aise avec Edmund et William de ce qu'elle éprouvait. Mais elle ressentait une tendre émotion que des mots ne pouvaient exprimer. Le souvenir de ses premiers plaisirs et de ce qu'elle avait souffert en les quittant revenait dans sa pensée avec une nouvelle force. Se trouver entourée d'un cercle de parents qu'il aimait, pouvoir se livrer sans contrainte à toute son affection, être à l'abri de toute mention de Miss Crawford, c'était une position à laquelle Fanny ne pouvait penser sans se sentir pénétrée de bonheur. Edmund aussi. Être loin de lui pendant 2 mois, et peut-être 3, ce ne pouvait que produire un bon effet pour Fanny. Éloignée de ses regards et de ses témoignages affectueux, soustraite au tourment continuel de connaître son cœur et de chercher à éviter ses confidences, elle pourrait raisonner d'une manière plus sage sur sa position. Elle pourrait parvenir à apprendre qu'il serait à Londres et terminerait tout ce qui l'attirait dans cette ville sans être malheureuse. Ce qui aurait été difficile à supporter à Mansfield deviendrait un mal léger à Portsmouth. La seule pensée qui tourmenta Fanny était que sa tante serait moins agréablement sans elle. Son utilité auprès de Lady Bertram était réelle. C'était aussi la partie du projet la plus difficile à arranger pour Sir Thomas. Mais il était maître au parc de Mansfield. Quand il avait résolu quelque chose, il pouvait l'exécuter. Et dans cette occasion, en faisant de ce sujet l'objet de sa conversation, en disant qu'il serait du devoir de Fanny d'aller passer quelque temps dans sa famille, il décida sa femme à laisser faire ce voyage à Fanny. Mais il obtint cela plutôt de sa soumission que de sa conviction, car Lady Bertram n'examina d'autre chose dans cette affaire que la volonté de Sir Thomas. Sir Thomas en avait appelé à sa raison, à sa conscience, à sa dignité. Il la place là un sacrifice. Mais Madame Norris s'efforçait de lui persuader que l'on pouvait très bien se passer de Fanny, Madame Norris étant prête à donner tout son temps à Lady Bertram et qu'enfin l'on ne pouvait avoir besoin de Fanny. « Cela peut être, ma sœur, » répondit Lady Bertram. « Vous avez raison, mais je suis certaine qu'elle me manquera beaucoup. » On s'occupa ensuite de communiquer cette résolution à Portsmouth. Fanny écrivit pour s'offrir elle-même, et la réponse de sa mère, quoique courte, fut si tendre, si naturelle, si maternelle, que tout l'espoir du bonheur que Fanny se promettait fut confirmé. William fut presque aussi heureux que sa sœur. Il avait le plus grand plaisir à penser qu'il verrait Fanny jusqu'au moment de s'embarquer et que peut-être il la retrouverait à Portsmouth au retour de sa première croisière. En outre, il désirait ardemment de voir la goélette Lagrive avant qu'elle sortît du port. Il crut ne devoir pas cacher à Fanny que son séjour de quelque temps chez sa mère ferait grand bien à chacun. « Je ne sais pas comment cela se fait, disait-il, mais nous manquons de vos manières délicates et de votre bon ordre chez mon père. La maison est toujours en confusion. » Je suis certain que tout ira mieux quand vous y serez. Vous direz à ma mère de quelle façon elle doit s'y prendre. Vous serez utile à Suzanne, à Betsy. Les jeunes garçons vous aimeront et écouteront vos avis. Combien votre présence sera utile et agréable. » Pendant l'intervalle de temps qui s'écoula jusqu'à l'arrivée de la réponse de Madame Price, William et Fanny furent très alarmés sur leur voyage. Lorsque Madame Norris vit que Sir Thomas donnait à William des billets de banque afin qu'il voyageât en poste, elle eut l'idée de se mettre en troisième dans la voiture et témoigna tout à coup un vif désir d'aller avec eux pour aller voir sa pauvre chère sœur Price qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans. William et Fanny furent frappés de terreur en l'entendant manifester cette volonté. Tout l'agrément de leur voyage était détruit soudainement. Ils se regardaient l'un l'autre avec tristesse. Leur inquiétude dura 1 heure ou 2. Madame Norris n'éprouva ni encouragement ni contradiction. On la laissa décider elle-même cette affaire. Et elle finit, à la grande satisfaction de son neveu et de sa nièce, par se rappeler qu'on ne pouvait se passer d'elle en ce moment à Mansfield, et pas réfléchir que si elle allait à Portsmouth, elle pourrait éviter difficilement de payer sa propre dépense. Ainsi, sa pauvre chère sœur Price fut laissée de côté, et une autre séparation de 20 ans peut-être commença. Les plans d'Edmond furent un peu contrariés par cette absence de Fanny. Il avait aussi un sacrifice à faire au parc de Mansfield aussi bien que sa tante. Il avait eu le projet de partir pour Londres à cette époque, mais il ne pouvait quitter son père et sa mère précisément au moment où ils se séparaient de Fanny, dont la présence leur était aussi agréable qu'utile, et avec un effort qu'il ne témoigna point, mais qu'il éprouva, il retarda pour une semaine ou deux un voyage qu'il avait considéré comme devant fixer son bonheur pour toujours. Il en parla à Fanny. Il lui fit de nouveau un autre discours confidentiel relatif à Miss Crawford, et Fanny fut d'autant plus émue en l'écoutant qu'elle pensait que c'était la dernière fois où le nom de Miss Crawford serait mentionné entre eux avec quelque reste de liberté. Une autre fois ensuite, Lady Bertram ayant dit à sa nièce de lui écrire bientôt et souvent, lui promettant de lui écrire elle-même, Edmond saisit un moment favorable pour lui dire à demi-voix « Je vous écrirai, Fanny, quand j'aurai quelque chose digne de vous être annoncé, quelque chose que vous aimiez à lire et que vous lirez probablement bientôt. » Si elle s'était doutée du sens de ces paroles, la rougeur avec laquelle elle l'écoutait aurait encore été plus vive. Elle devait essayer de s'armer contre cette lettre. Une lettre d'Edmond pouvait-elle donc être pour elle un objet d'effroi? Elle sentait qu'elle n'avait pas encore éprouvé toutes les vicissitudes de l'esprit humain. Pauvre Fanny! Quoiqu'elle allât volontiers avec empressement à Portsmouth, la veille de son départ la remplit de tristesse. Elle embrassa étroitement sa tante Bertram, parce qu'elle savait que celle-ci serait privée d'elle. Elle baisa la main de son oncle en comprimant des sanglots, parce qu'elle savait lui avoir déplu. Et quant à Edmond, elle ne put lui parler ni le regarder quand le moment de lui dire adieu fut venu. Ce ne fut qu'après que ce moment fut passé qu'elle se rappela qu'il lui avait dit adieu comme un tendre frère. Tout cela s'était passé le soir, le voyage devant commencer à la pointe du jour suivant, et quand le petit cercle des habitants de Mansfield se retrouva à déjeuner, on parla de William et de Fanny comme ayant déjà fait plusieurs milles. Ainsi s'achève le tome 3 du Parc de Mansfield ou Les Trois Cousines de Jane Austen.